son rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planet Rap avec Fred. Ce soir, Planet Rap spécial Dinos. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour un nouveau Planet Rap avec Dinos Punchlinovic. Aga. Comment ça va? Ça va, cool, et toi, mec? En pleine forme? Toujours. Tout roule? Tu sors des bails de bouchon, tous les bails. Je sais, tu es arrivé à l'instant même. Non, c'est pas vrai, je suis... Si. Essaye de mentir, à l'instant même. Tu dis que je suis arrivé en avant. Tu es arrivé à l'instant même. Bon, tout va bien, alors ce concert hier. C'était chaud. C'est vrai, c'est les trois baudets. C'est concert, parce que j'ai fait deux concerts en fait. Deux concerts en un. J'ai fait les trois baudets, puis j'ai filé au Carreau du Temple pour le Phenomenal House de Nike, où il y avait moi, Rimka et Schoolboy Q en live. Bon, pas mal, fort. Ouais, c'était cool. Bon moment. Donc, bon grosse soirée. Grosse très soir. Qui s'est fini tard ou. Je pose des questions. Ou tôt ce matin. Tard, on va dire tard. Bon, bah, bienvenue pour ton Planet Rap. Si vous n'étiez pas là hier soir, parce qu'évidemment, même s'il y a eu concert, tu étais là. Frère, en live. J'étais là après, j'ai mis c'est les doigts sur le front, je me suis téléporté, tous les bails. Avec un gros live, et dans le gros live, il y avait ça notamment. Tous les négros trouvent mes textes lourds. Les rages vont tomber comme s'ils se tenaient sur le poignet de Ace Hood. Et quand je rappe, toutes les têtes bougent. Je touche les escourdes, appelle-moi Crips. Parce que je fourre que des schnecks rouges. À vrai dire, je m'en bats les steaks. Je fous le bordel dans leur foufougnard. M'appelez-vous Crips, appelez-moi Harlem Schneck. Puis je m'endors avec un tas de nanas. Quatre galaches, mon style découpe toi. Appelle-moi Dolce Katana. Je perds flipper avec des propos d'art. Les mecs sont pas tous les mêmes. C'est juste moi qui suis un gros connard. Des désirs suspects dans ma tête, y'a un tas d'idées. Et je crois que la terre est ronde comme Orelsan ou Galilée. Une rage de canidé, je suis validé garçon, je fais que câliner. Manie et les allitérations, à quoi sert s'appliquer de façon. Je finirai dans le ravin, je suis au fond du trou, j'attends que Jamel Debbouze me tende la main. Ils me font des sourires mais ils ont tous les dents qui jaunissent. Je vais leur apprendre à bien parler, premier rappeur orthophoniste hein. Ok, Dinos, deep. Punchline au 7-7. J'écrase cette victime comme des insectes secs. Je suis à la Courneuve, passe me check. Chip-set, dip-set, dip-set, dip-set. Voilà, un petit bout d'hier soir, tout petit bout, hein. Sinon l'intégralité du live est dispo en image sur skyrock.fm, sur le planetrap.skyrock.com. 20h pile, tu es prêt à attaquer ce nouveau Planet Rap? Toujours. Que va-t-il se passer, Dino, ce soir dans l'émission? Va se passer des bails très sérieux. J'ai ramené deux invités. Mm-hmm. Le premier, il y en a un que je connais. C'est en fait déjà il y a trois personnes parce que Richie va arriver, Richie va balancer le son. Donc c'est le troisième invité, Richie. J'ai ramené Blastar. Le célèbre Blastar, la légende. La légende même, carrément. La légende Blastar, gros producteur. Ouais, mec a signé des centaines de sons qui ont été disques d'or, disques de platine, disques de tout. Disques de Blastar, tous les bandits. En rétrospective, ouais, il y a eu pas mal de choses. Bon, ça va, Blastar? Oui, ça va, ça va. En pleine forme? Oui, ça va, beaucoup de travail, tant mieux. Tu bosses sur quoi? Bah, je vais pas, je suis pas du genre à dire sur quoi. Je sais, mais je pourrais tenter quand même. Ouais, j'attends que ça se concrétise et après, voilà. En tout cas, c'est les rappeurs qui préparent leur prochain album, les rappeurs du moment. Et donc aujourd'hui, avec Dinos, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur un super projet. Alors parmi tous ceux que tu côtoies, ouais, que tu as côtoyé, que tu vas côtoyer, ouais. Dinos, il est à quel niveau, travailleur, bosseur, glandeur? C'est un travailleur. Il a beaucoup d'idées. C'est un voilà, c'est un vivier d'idées, beaucoup d'idées à la minute. Donc après, il faut canaliser tout ça et ça se voit sur l'album. Il y a beaucoup d'idées. Et pour moi, dans la nouvelle génération, il fait partie des meilleurs. Donc maintenant, je lui ai mis la pression en disant ça. Donc à lui de concrétiser maintenant. Voilà, exactement. Bah, écoute, le compliment est beau venant de la part de Blastar. Merci. Ouais. D'autant plus que Blastar, c'est un mec que. En fait, tu peux le voir pendant deux semaines, tu vas le voir tous les jours, et d'un coup, ça va s'arrêter. Il disparaît pendant des mois. Genre, tu lui donnes rendez-vous un jour, il vient pas au rendez-vous, tu vois, il te répond genre deux semaines après. Ah ouais, désolé, j'étais en retard, j'allais être en retard, on se voit après, tu vois, mais genre deux semaines après, tu sais. Mais c'est normal, c'est les mecs qui sont occupés, c'est les gars qui sont dans le monde entier pour faire des sons pour tout le monde dans le monde entier. En tout cas, ce soir, on va profiter de lui puisqu'il est là avec nous. Ouais. Et on le retrouve aussi sur ton projet, hein, qui est digitalement dans les bacs, qui s'appelle Apparence. Il y a on retrouve Blastar, Richie, Dan, CHI. C'est eux qui ont c'est surtout Blastar et Richie qui ont réalisé la majeure partie du CD. Ensuite, CHI et Dan qui étaient en support. les messages avec le hashtag Dinos sur Skyrock. On continue le tour de table. T'as pas été très galant. Hein, j'ai pas été super galant. Je garde le meilleur pour la fin. Bien. J'ai ramené une petite pépite. Une rappeuse qui s'appelle Siana Dwayna, originaire de Beauvais. Bah, je te laisse te présenter. Oui, je suis Siana. Je suis originaire de Beauvais dans le Ça va, Siana? Ça va, merci toi. Ouais. Tranquillement. Donc voilà, je prépare un projet tranquillement avec Seven et Moand. C'est en préparation. On sort des freestyles en ce moment sur YouTube qui sont disponibles. Allez checker un petit peu Siana, D-W-A-Y-N-A. Bienvenue Siana en tout cas. Merci beaucoup. Dans le Planète Rap de Dinos. Merci. Et pareil voilà. Aussi, hein. C'est les nouvelles pépites hein, qui arrivent. Merci, voilà. Star. Donc Siana, elle travaille avec Moand qui est avec nous. Moand, il fait partie de l'équipe. Moand, la force calme, la force tranquille. Et ben on pourra retrouver tout à l'heure justement pour vous retrouver tous en live, enfin Blastar peut-être pas, j'aimerais que tu Moand, maintenant. Moand d'ailleurs qui est là et qui a arrangé, j'ai oublié de le préciser, Moand a oulala. C'est les lendemains de concert ça. C'est les lendemains de concert. En fait, j'avais trop de mots qui commençaient par P qui sont arrivés dans ma tête en même temps. Alors, Moand a participé au projet parce qu'il a arrangé le morceau Déclenche l'alarme. Donc voilà quoi. Wally Wallou. Et ben, on écoutera peut-être ce soir, je sais pas ce que t'as prévu. En tout cas, on débute avec le fameux. Regarde. Oui, je te laisse faire. En fait, tu recules. Tu prépares le H après le P. Vas-y. Et tu fais. Pow. Non, pow. Bon, vas-y, t'es beaucoup mieux que moi. Allez, on balance. C'est extrait du projet Le P Apparence de Monsieur Dino Spenchlinovic, notre invité. Il y aura une surprise pendant l'émission sur ce morceau. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Le jour d'après, je la laisse en air. Je m'endormirai sur son boule. Dans 6 mois, je change de pays. Je suis à 2 doigts de m'ouvrir les veines. J'en ai ras-le-bol d'être un génie, chérie. Je traîne des Carolines et des Charles. Je suis en Shaolin, je fais des Charlines, pas des shout-out. Même sans bave, ne jamais passer aux aveux. Maman, je pourrais vendre des lunettes à un aveugle. Vous me tirez les verres du nez comme si j'étais Imhotep. Négro, c'est quoi les bails, c'est quoi les hypothèques? Je mets des panenka. Dites le futur, je veux retourner dans le passé. Ken sur capote sans attraper le dard. La qu'on aime la zizanie. On a de la bœuf plus épaisse que les sourds, type d'Adil Rami. Je m'endors sur les étoiles. Je veux devenir charpentier, j'ai compte faire des chèques en bois. Faire des chèques en bois. Négro, te fâche pas. Je kiffe pousser ton CD comme mes enceintes mangent pas. Y'a 12 mesures de guerre. Concurrence à terre. Négro, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de converse. Ma paire de converse. M'appelle pas mon frère. Sinon, je te coupe les bras, je te force à faire la quenelle. Yo, on est dedans. On est dedans. Je me sens élan. Je me sens les bras. Je me sens guélant. Je me sens les dents. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Le jour d'après, je la laisse en air. Je m'endormirai sur son boule. Check. Me parle pas d'amitié, je suis là pour faire de l'oseille. Je sers que des avions, je crache du kérosène. Rap sur un tas de merde. Parfois j'écoute mes sons et je me dis que je suis trop fort. La putain de sa mère, tous ces négros je les tue. Je ken comme un malade, je veux pas ton fun tel. Mais ton numéro de sécu. Des pogs et des taspés, mais ta meuf chérie instrumentale. Tout le monde l'a kické, c'est une phase B. J'ai perdu la tête, et c'est pas de m'étrangler. T'es ridicule comme un vampire avec des d'anglais. Dans le métro 100 000 PH, croise des groupies. Tête baissée, j'émule un coup de fil. Si je vois un contrôleur, je me transforme. Je mets une balayette en disant Please, my nigga, be to the train at the platform. A vrai dire, je la fous à ta place. On va le play dans la cuisine, Hakuna Matata. Faire le full over jamais. Full over jamais. Et gros, je suis dans sa jugor. Pendant que tu l'attends devant le footlocker de Châtelet. Footlocker de Châtelet. Les gros, je suis dans sa jugor. Pendant que tu l'attends devant le footlocker de Châtelet. Je m'endormirai sur son boule. m'endormir sur son boule. M'endormir sur son boule. Je m'endormir sur son boule. M'endormir sur son boule. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, v'là les emmerdes. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Hey, hey. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Ah, ah. Et le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Wesh Richie! T'es où d'ailleurs, mec? Aga, ailleurs, ce morceau s'appelait Pelg. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le clip va sortir demain à 18h, tu vois. C'est bien que t'annonces tout en fait. Tu vois? Comme vas-y, ça, vas-y. Le clip sort demain à 18h. Et. Allez sur mon Twitter, @punchydinos, P-U-N-C-H-Y-D-I-N-O-S. Je viens de poster une image du clip. Très bien, donc allez cliquer, dites-nous d'ailleurs avec. Première le... image du clip et réagissez avec le hashtag Dinos sur Skyrock. Dinos sur Skyrock. C'est bien aussi. Dinos sur Skyrock. Dinos sur Skyrock, le hashtag Dinos sur Skyrock pour réagir sur la première image du clip. Dinos sur Skyrock. Le clip demain, 18h de ce morceau. Ouh, l'image elle est sérieuse, hein. L'image elle est vraiment sérieuse, je trouve moi. Il y a un Pog à droite qui est pas très sérieux, mais le Pog du milieu, le Pog de gauche, ces Pog sont sérieux. Allez, ça checker fait ça. Fais voir un peu, parce que j'ai. Ah oui, c'est vois, très. C'est Pog. Ah oui, mais attends, je l'ai même là. Tu vois, c'est Pog. Ah bah, allez cliquer, allez voir ce qui se passe quand même. @punchydinos. Et ça, c'est juste une image du clip. Une image du clip. Juste une image. P-U-N-C-H-Y-D. C'est pas un peu, tu sais, comme parfois quand tu regardes des bandes annonces où tout est mis dans le film. Enfin, tout le film est mis dans la bande annonce. C'est pas ça le clip. Non, c'est pas. Rassure-moi, ça. Rassure-moi. Après, on te voit pas dans une bibliothèque, dans un. C'est pas ça. Non, ça va. C'est bon, ça va. Ça va. Bon, bah, allez cliquer demain 18h. Le clip. Les négros déjà en train de RT. Vous êtes bons. Allez-y, 41-759 pour laisser des messages, pour poser des questions aussi à Dinos. N'hésitez pas avec le mail aussi, hein, c'est planetrap@skyrock.com pour poser plein de questions à Dinos. Notre invité ce soir, donc, il y a près de toi Blastar, il y a aussi une jeune fille qui va faire parler d'elle dans les, allez, dans les mois à venir, Sienna Doina. Aga. Qui est là, qui est une kickeuse sévère. Ouais, et toi, t'as rencontré comment? On avait des. En fait, je la connais depuis un bon moment déjà. Ouais. Et on avait des potes en commun. Donc un jour, autour d'un micro, on s'est rencontrés. Sienna, je t'ai déjà vu ici, t'es déjà passé. Non, je suis jamais venue. Moi. T'es jamais venue ici? Tu vois comment t'inventes des trucs près. Alors j'ai l'impression d'avoir vu des vidéos de toi. Il y a pas mal de vidéos sur que tu YouTube, balances. Ouais. En ce moment, je balance plusieurs freestyles. Mm-hmm. Le thème, c'est le tour du monde. On a commencé par l'Inde. Après, on a fait la Russie. On a fait la Chine là récemment et on attaque le Maghreb très très prochainement. Donc, ça va international. Ouais. Sienna. Voilà. Bah écoute, tu vois, à force de mater tes vidéos, j'ai l'impression de te connaître. Bah. Ouais, c'est bien. Bon, et le projet, c'est pour quand alors? On sait pas, on travaille dessus en ce moment. Mmh. J'écoute beaucoup de prod, j'écris beaucoup de textes, on fait des sons, on verra. Pour le moment, il n'y a pas de date prévue en tout cas. T'as écouté le EP Apparence? Ouais. De Dinos? J'ai écouté quelques sons, franchement, j'ai pas tout écouté, mais ce que j'ai écouté, c'était super lourd, sincèrement. Par exemple, quel morceau? Je déclenche l'alarme. C'est pas parce qu'il y a mon producteur qui fait partie du truc. Non, aussi, hein. Mais je l'ai écouté, c'est super lourd. Le son avec Némir aussi. J'ai Destin commun, oui, c'est vrai. Après, j'ai écouté des freestyles. Le freestyle 2014, je crois, c'est. Et en noir et blanc, il est super lourd. Bravo, mon Gaba. Merci. Et bien sûr, Quelqu'un de bien, c'est mon son du moment. Enfin, il tourne dans ma voiture à fond. Aïe. Et bon, on t'écoutera toi aussi en live dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on met d'apparence maintenant, Dinos? Avec le classique shit. Namek. Ok, yeah. on met le morceau Namek maintenant. Position Namek. Et je rappelle évidemment que le projet, on peut l'avoir uniquement en digital. Il faut aller cliquer tout de suite. Uniquement en digital sur iTunes. Apparence. Dispo en digital, 4,99€. Ah oui. TTC, tous les boys. Ça vaut le coup. 12 mesures de guerre. Concurrence par terre. Mais gros, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de Nike Air. Ma paire de Nike Air. J'm'almène le rap game. Si j'fais disque d'or, j'rachète le grec de ma thèse. À l'aise, ma mère. J'éclate les Wackens. Hey yo, Renoir, j'm'appelle Jules, j'suis né par césarienne. Né par césarienne. Volant se transforme en moltonnel. J'passe mes vacances sur la lune Apollo 13. Où j'me bats en croisière. Me bats en croisière au Langaros sous le casino. Où j'touche le jackpot en 3-7. Mets du son dans la Benz. Mets du son dans la Benz. Suffit d'un headshot pour te mettre du plomb dans la tête. Bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais poser sur Namek. J'm'applique et j'kick sec. Ma rime se disperse. J'traîne le rap français. Merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Les négros foutent les nerfs. Vous prenez pas pour Moïse. On agit pas les mères. Merde, je le répète pour 4-5 frères. Le savoir est une arme. J'ai un bac plus 3-5-7. J'ai pas long comme Piccolo. Ils sont verts comme des Namek. M sur le front, j'suis l'héritier du trône de Saiyan. J'ai tendu la main, j'ai fini Théodore Bagouet. Depuis j'suis comme Zidane. J'ai plus donné de la tête. Avant de parler de rap, bien me déclare-toi l'assassin. J'suis peut-être sur detox, mais tu le sauras jamais. Bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Alors, cette photo de Pauk, c'est comment? Réagissez avec le hashtag Dinos sur Skyrock. Mentionnez-nous, arrobas Punchy Dinos. Posez sur la mec, négro. Jir, Jir. Ouais, Schumacher, c'est comment? Repose-toi, négro. C'est Skyrock et Seven et Trump. Avec y a des négros boboches qui viennent débarquer dans la putain de salle, tu vois. Donc tu veux saluer qui alors? Des, tous les négros qui sont là, qui sont, ils sont entrés par effraction en vrai, tu vois. Ils ont infiltré les locaux, donc merci d'être venus à vous les mecs. Et bon courage dans ce que vous faites, tous les bizarres. Tiens, en parlant de personnes, de collectifs, tu fais partie d'un collectif. Capsule Corp, moi. Ouais. Tu veux dire un mot justement sur ce collectif, Dinos? Ouais, on a commencé. En fait, on a commencé à rapper ensemble. On avait genre 15 ans. Donc la Courneuve, c'était Courneuviens. La Courneuve, Aubervilliers. Aubervilliers, ouais. Un peu des deux. Et moi, en fait, j'ai fait un sort de caca nerveux. Je m'étais dit que, en fait, je suis un grand fan de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Et j'ai dit que le jour où j'ai un groupe, je vais l'appeler Capsule Corp, en référence aux capsules de Bulma dans Dragon Ball, tu vois. Et on a appelé le groupe comme ça. Et ils ont jamais aimé. Il y a que moi qui ai validé ce blaze. Hein. Fallait que ça sorte. Mais ils sont obligés, par contre, de se le traîner maintenant. Voilà. Fallait que ça sorte, tu vois. Bon, ils viendront peut-être dans la semaine d'ailleurs. Ils vont venir demain. C'est demain? Demain, le les négros vont venir. Capsule Corp. À pas louper. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de Blaz, le Dinos Panchayovic, il est arrivé à quel moment dans ta carrière? En fait, Dinos, déjà, c'est une grosse bêtise. On m'appelait comme ça au collège à cause d'une bêtise. Et c'est un Blaz que tu vois quand. C'est-à-dire, attends, Dinos, on devait une bêtise. Je te dis pas. La comment. Star je te... Dinosaure, peut-être. Ouais, bah, c'est ce que je me disais aussi. Ah, ça, c'est parti, c'était ça l'intention, tu vois. C'est ça. Mais tu sais, c'est le genre de blase que, tu sais, le blase que t'aimes pas et qu'on t'appelle tellement comme ça qu'au final, tu finis par l'adopter. C'était ça, Ginos. Et ensuite, je l'ai adopté. Et un jour, en fait, il y avait le film Cramé de Neochrome. Mm-hmm. Et dedans, cette gecko s'appelait Dragan Fulekovic. Et ça m'a fait trop rire, en fait. Et un jour, en freestyle, je vais avoir quoi, 15 ans dans la cour de récré. J'ai dit Ginos Punchlinovic. Et il s'enfuit à exprès. Et le lendemain, le mec, il m'a dit ouais, je dis Ginos Punchlinovic. Et moi, j'avais oublié que j'avais dit ça la journée d'avant. Après, je me suis dit, ah ouais, les lourds se blasent. Bah, vas-y. Hein. Bah, je le garde. Ah, bah, vas-y. Donc, depuis l'âge de tes 15 ans, t'as Ginos Punchlinovic. Ginos Punchlinovic. Ouais, il y avait Ginos, si vous étiez du côté de la Courneuve, si vous êtes dossier Ginos, dinosaure, dites-nous un petit peu. N'hésitez pas à envoyer avec le hashtag Ginos sur Skyrock. Je suis sûr qu'on peut avoir la réponse. Aga. Avant la fin de semaine. Aga. Ton vrai prénom? Je le donne dans tous mes morceaux, frère. Okay. Je le valide trop, ce prénom. Ah oui, tu l'as filé. Je le survalide, ce prénom. Les meufs, elles kiffent ce prénom, frère. Je le survalide. Bah, redis-le. Je m'appelle Jules, je suis né par césarienne. Voilà, c'est ça, Jules. Je m'appelle Jules parce qu'à la naissance, j'avais de la gaule. Ou... avec choix, son Jules. Ou... enfin, truc. Que de la classe. Bon, ah, bougez pas, dans un instant, on va revenir sur Skyrock. On vous attend au freestyle aussi de Planet Rap dans un instant. Le retour du son, ce sera un extrait. Qu'est-ce qu'on mettra dans quelques minutes, Dinos? Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, bonne idée. Et, bah, et ensuite, on va mettre un autre extrait après quelqu'un de bien, mais je te dis pas maintenant. Bougez pas. Comme toi, Dinos a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec Dinos Punchlinovic. Aga. Avec nous, avec Blastar qui est là, avec Sienna qu'on écoutera en live dans quelques minutes aussi. Avec Richie Beats qui est là, qui vient d'arriver, qui a installé tout son matos pour ce bail pour scratcher. Pour scratcher, ça va être du lourd dans un instant. Tu seras prêt pour le live? Toujours prêt. Blastar aussi? Bah, toujours. Hein. Blastar, il va lâcher un freestyle tous les mois. Il paraît qu'il lâche un 16, voire un 32. Un 32 bar. Si on a... 42. Tout est possible. Et là, par un téléphone. Jour, je le ferai un jour. Bah, j'espère bien, on l'attend avec impatience. Et là, nous sommes avec le freestyler par téléphone. Allô? Allô. Ouais. Ça va? Ouais, toi? Ouais, j'ai pas ta petite fiche, c'est comment ton prénom? C'est Nino. Nino, comment ça va, Nino? Ouais, bien et toi? Bah, écoute, bienvenue, je te présente Dinos. Ouais, mon pote, ça va ou quoi? Tranquille? Ouais, tranquillement. Dinos, aïe. Ninos. Non, je sais pas. Avec nous ce soir, freestyle par téléphone, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Et ben, on y va, mon pote, c'est parti. Ok. Ça fait un. J'ai commencé à rapper pour éviter les soucis. Si je te parle de ma vie, ça risque de finir en suicide. J'ai perdu goût à la vie, ne joue pas trop les méchants. Il me faut un gros cul pour faire le mal à tous les gens. Le quartier m'appelle en bas, ça va finir par me saouler. La vie c'est pas une machine à laver, pourtant elle m'a lessivé. Je dors plus, tu sais. C'est le cousin d'un. Vas-y. Hey. Si je bats, mais je suis bourré de remords. Je dors plus depuis que je me fais le cousin de la mort. Hey. Je suis venu t'annoncer la couleur, hein. Hors de question que j'abrève ta douleur, hey. Je veux passer de l'autre côté de l'équateur, Nino, 17 ans, je viens de commencer, pourquoi t'as peur? Dans le rap, je perds la diff comme un Qatari sur toi, Nam, hein. C'est pas ton aspect qui fait de toi un bonhomme. Un fou se distingue à la poussée de ton état d'âme. Un vrai se dissocie à ses actions par ses paroles. L'amitié c'est rare, comme des vrais sables coutiers. Négatique la santé, sans 20 ballons, quelques bullshit, non. Je vais pas taper dans le gardiennage, si c'est plus jouer. Mais intérieurement, j'ai pas ton âge et moi je t'apprends la vie. C'est pas un conte de fées. J'aurais tant possible pour que plus tard je roule en VV. Les buts, le pis et la tisse. Garde à le pire qui, je fréquente des gens qui sont aussi stables que la tour de puise. J'ai du kiff comme un spira. Fais tourner la zeste là, pas là pour l'argent. Tu vas prendre des sous, bah moi je suis là. Si je peux tous me les faire, ce que mes potes me disent. Pas de joyeux anniversaire, souhaitez-moi de la réussite. Hein, pareil que tu rappes, y'a pas de quoi se vanter. C'est aussi intéressant qu'un documentaire sur Arte. Nino, tu connais pas, je cours après le succès. J'ai gravé mon patch, tu sais, la vue du lycée. Passe-moi un kilo, du papier, un clavier, averti. Un deuxième fois, c'est mort. Si la première fois, j'étais averti. Passe-moi un stylo, du papier, un clavier, averti. Un deuxième fois, c'est mort. Si la première fois, j'étais averti. Ok, Nino, à l'instant, freestyle par téléphone. Bah écoute, bravo, mon pote. Ouais, merci. On t'écoute pour les dédicaces, on peut te retrouver sur le net. Vas-y. Je fais une grosse dédicace pour les mecs qui squattent le parc là chez Bélois. Une grosse dédicace à Méga Zébuté, je fais une grosse dédicace à Brasi qui m'écoute. HKN, Braco, Mebrook, une grosse dédicace à tout le monde. Une grosse dédicace à Dino, c'est depuis le début mon pote. Ah, merci mon pote, t'es bon. Donc tu as récupéré Apparence toi, tu l'as téléchargé légalement. Ouais, j'ai téléchargé, ouais. Légalement. Légalement. Ah, j'espère. Non, t'inquiète, soutiens, je suis d'accord, moi je te suis depuis le début. Merci. Et bah, merci à toi, Nino. Vas-y, merci à vous. Passe une bonne soirée sur Skyrock, c'est Dinos Punchlinovich. Ah, tu vois, tu m'as filé ton truc. Dinos Punchlinovich avec nous et le EP Apparence qui est digitalement dans les bacs. Vous pouvez cliquer dès maintenant le récupérer. On va écouter un morceau d'ailleurs de ce EP avant de passer au live. Ouais. Imagine on va changer. Ah. On va écouter Comme un dimanche finalement. Comme un dimanche. Parce qu'il y a une fragilité qui est revenue en moi, tu vois. Et ça m'a fait penser à un dimanche. Morceau produit par Richie. Comme d'hab, un bon bail quoi. Et bon, on l'écoute maintenant, c'est extrait du EP. Yeah. Ne le prends pas pour toi. Ne le prends pas pour toi. Parfois j'aime rester seul sur PlayStation ou écrire tard le soir. Demain je te banderai les yeux genre Cola Maya. Tu seras plus séduisante quand tu me feras des pâtes carbonara. En attendant, laisse-moi écrire un tas de poèmes dans une atmosphère pesante. Tu sais, la vie ne serait pas si belle si je n'avais pas de problème. N'en faisons pas tout un plat. Je resterai sous mon drap. Je rêverai d'être l'homme de Vitruve pour oublier que le bonheur coûte un bras. Jusqu'il est fuir, quitter cette vie oppressante. Docteur, soigner mon hémorragie, que je me fasse plus de mauvais sang. Mon marchand sable, je prends pour garage. J'ai de quoi flipper. Pour avoir une vie longue, dois-je mettre le Sahara dans le sablier. Devenir un bad boy comme Lady Di. Dans le précipice, sans argent, peur de mourir, fauché comme Lady Di. Chez hier j'étais joyeux, qu'aujourd'hui j'ai l'air d'un gros rêveur. Je crois que je suis lunatique, parce que j'ai peur qu'on porte le mauvais oeil. Comme si la pluie tombait, le ciel était gris. J'passerai ma journée à changer de chaîne. J'esquisserai un sourire parce que tes yeux brillent. J'te dirai pas que j'déprime, mais que j'me sens comme un dimanche. Un dimanche, un dimanche. J'me sens comme un dimanche, hey. Un dimanche, hey. Un dimanche, hey. Réponds-moi pourquoi. Réponds-moi pourquoi j'ai croisé un handicapé qui avait l'air plus heureux que moi. Je me suis promis que je resterais moi, même si la vie m'effraie des fois. À quoi bon faire mon lit, vu que je le défrais ce soir. Que je finirais à Madison, sans trembler comme Cassius Clay. J'ai besoin de personne, en arrêt Parkinson. C'est pas parce que je me ronge les ongles que je suis nerveux. Puis c'est pas non plus parce que je souris que je suis heureux. Les yeux près de la fenêtre, contemplant le mauvais temps. Je suis si près du but, mais je crois que je suis dans le mauvais camp. Besoin de souffrance et de tristesse, juste pour réécrire. La vie est belle, mais j'ai la haine, juste pour plaisir. S'il te plaît, t'en vas pas. Tu sais, j'écris mes plus belles lignes lorsque je pense à toi. Ouais, les disputes nous fatiguent, c'est peut-être pour ça qu'on baille. Puis l'amour rend aveugle, c'est peut-être pour ça qu'on braille. Comme si la pluie tombait, que le ciel était gris. J'passerai ma journée à changer de chaîne. J'esquisserai un sourire parce que tes yeux brillent. J'te dirai pas que j'déprime, mais que j'me sens comme un dimanche. Un dimanche, un dimanche. J'me sens comme un dimanche, hey. Un dimanche, hey. Un dimanche, hey. Comme si la pluie tombait, que le ciel était gris. Je passerai ma journée à changer de chaîne. Et en Richie sur cette merde. Qui serait un sourire parce que tes yeux brillent. Je te dirai pas que je déprime, mais que je me sens comme un dimanche. Hey. Un dimanche. Hey. Un dimanche. Je me sens comme un dimanche. Hey. Un dimanche. Hey. Un dimanche. Non, ne le prends pas pour toi. Ne le prends pas pour toi, parfois j'aime rester seul sur PlayStation ou écrire tard le soir. Demain je te banderai les yeux genre Cola Maya. Tu seras plus séduisant quand tu me feras des pâtes carbonara. En attendant, laisse-moi. C'est le morceau qui finit pas. C'est le morceau qui finit jamais celui-ci. Il finit pas en fait, c'est, ouais. Il recommence parce que. Il recommence. Il y a le dimanche d'après en fait. Bah c'est ça en fait. Et on aimerait que ce soit tous les jours comme un dimanche posé. Avec le son de Dinos Punchlinovic, notre invité, extrait du EP Apparence, le morceau comme un dimanche à l'instant. Ouais. Est-ce que Richie est chaud? Est-ce que Richie est prêt? Richie, il est toujours chaud, Richie est toujours prêt. Ah, t'as pas entendu, on n'a pas entendu ta belle voix. Ouais, c'est bon, chaud. Voilà. T'es OP? Ouais. Et ben, je crois qu'on va attaquer maintenant on le va live. Donner, on va laisser à Siana s'exprimer, tu vois, en première. C'est bien, galant. Je suis galant, tous galant, les bails. Galant, tous les bails. Tu te rattrapes? Tous les bails. C'est quand vous voulez maintenant. Richie, fais cette chose pour voir. Yes, what's up? Hein? Yo, pécho apparence sur iTunes. On est à l'ou quoi? Yes, Siana, yeah, hein? Dédicace à toute ma ville au passage. Beauvais, on est à l'ou quoi? Yes, yes, check, ça fait, hein? Tu back back, tu black black. Quand je rappe, tu fais les back back. T'as le flow d'un dernier pack pack. Je me déplace en jackpack pack. Bitch bitch est un big deal. Dream chaser, Mick Mill. Je répète, c'est un big deal. Sur la prod MC, j'en nique mille. Dédé dégaine, laissez parler les mains. Tes ladies sont pétées, glanches, ça se les miens. Tu m'entends du rapper, t'as crié amen. Tu connais des rappeurs, je t'en prie, ramène pas le temps de parler. Je prends place dans l'arène, il fallait du nouveau dans le rap. Je l'amène, que tu sois là ou non. De toute façon, c'est la même. Je suis venu, j'ai vu et j'ai foutu la merde. Yes, on est à l'ou quoi? C'est pas fini, yo. Apparence sur iTunes, mon gars back Dinos. Yes, hein, dédicace à Soldat Bab Fanco. Ça fait, hein, yo, on est à l'ou quoi? Yes, hein, on est à l'ou quoi? Hein, check, hein, yo, hein. Comment faire du bon rap? Faut juste me demander la recette. Évite de me casser la tête, à mes côtés y'a l'homme 7. Bélec, pousse-toi, j'ai le revers de Nadal. 18 piges, mais dans le peur, allez, MC m'appelle madame. Normal, il voit que je kick et que je le fais à fond. Attention, je suis porte-parole de toute une génération. Félicitations, sans prétention, mon flow frise la perfection. Tu dois reconnaître que je suis la règle qui confirme l'exception. Hein, on est à l'ou quoi? Yes, hein, je répète, apparence sur iTunes. Yo, Skyrock, Siana Dana. Yeah. Yo, ça fait, c'est exclu ça, boy. Hein, yo, hein, deux pieds dans le rap game, un œil sur la concu. J'ai fait tout ce que j'avais à faire et eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein, frère, tu racontes n'importe quoi, j'écoute parce que tu prédis. Yo, je dois jamais rien à personne, c'est pour ça que j'ai jamais de crédit. Hein, trop de gens faux, on me dit Siana, ça y est, faut que t'avances toute seule. Je fais genre, je m'en fous, mais au fond, je sais que ces gens me portent tous l'œil. Bienvenue chez nous, on te passe le salem, debout jusqu'à ce que le soleil se lève. Reste pas trop près si tu vois que je m'énerve, je dors tellement peu que j'en oublie mes rêves. Oh, je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qui paraît, le meilleur reste à venir, yo, moi. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qui paraît, le meilleur reste à venir. J'ai jamais compté sur son père, jamais mieux servi que par soi-même. J'ai commencé par des concerts et gros, maintenant t'as vu où ça mène. Premier clip sur Génération, deuxième clip en haute qualité. Pourquoi ça parle d'égalisation? On sera jamais à égalité. Yo, négatif, t'es gaskis. On fait des choses fantastiques. On veut pas de vos flots en plastique et on veut pas de vos caprices. On va venir tous vous choquer. De quoi vous foutre les chocottes? Le rap, tu devrais stopper, t'as jamais sorti un son propre. Yo, je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qu'il paraît, le meilleur reste à venir, yo, moi. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Yo, toujours en tête du peloton, même avec les mains menottées. Le flow carré comme Louis Vuitton, on garde notre froc, on est culotté. Yeah, hein, on est culotté. Flow Bugs Bunny, j'ai tout carotté. Tu peux pas monter, tu peux pas noter. Garde un talent, tu n'es pas doté. Ils cherchent tous à nous rien pour une histoire de billets. Les filles partout en vrille, allez vous faire enquiller. Je veux que mon son soit reconnu, je m'en fous, moi je veux pas briller. Je sais qu'à la première. Bienvenue comme l'a dit McTayer, vous m'oublierez. Yo, moi, je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qu'il paraît, le meilleur reste à venir. Yo, moi, je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qu'il paraît, le meilleur reste à venir. Yo, what's up? Merci. Alors là, bien joué, bien joué. Moi, je pense que là, même pour Dinos derrière, c'est pas possible. Il y a du rap en France, il y a du rap féminin en France, juste pour dire qu'il y a encore des filles qui savent kicker, qui ont des choses à dire, qui savent rapper, qui, voilà quoi, qui ont du flow. Yes. Et bah écoute, alors où est-ce qu'on peut te suivre pour avoir plus de renseignements sur toi, Siana? Sur Facebook, ouais. Siana, S-I-A-2-N-A, D-W-A-Y-N-A. C'est compliqué. Et pareil sur Twitter, S-I-A-2-N-A. D-W-A-Y-N-A. Et bah, allez tous Follow cliquer, me. Allez tous suivre Siana, elle va marquer le rap français là dans les mois à venir. Yes, sir. Et les freestyles que t'as balancé. Ouais, nouveau freestyle paris. Très très prochainement. Et un son exclu aussi qui va arriver par la suite. On continue le live ou t'abandonnes Dinos? Aga, je suis là, envoie cette crash ce feu Richie, envoie ce cheveu jaune s'il te plaît. Ce truc là, c'est une merde produite par Richie que je vais interpréter en live. Cette merde à propos de ma coupe de cheveux, de ma casquette jaune, du M que Babidi m'a mis sur le front. T'entends ce truc? Ya! Négro! Ah! Je rentre Paris fraction comme Emile, Paris fraction comme Emile. J'ai la flemme de faire une rime sur la dernière mesure. J'suis pas dans vos guerres de rappeurs. Non les mecs, faites gaffe à vous. S'il y en a un qui me clash, je lui réponds pas. J'appelle le marabout. Le négro m'appelle mon frère, sans savoir que je kenne sa sœur. Devinette, devinette, j'suis un ch'ti ou un Lannister. Bien aucun de tes potes me ferait. J'suis à propos de racheter mon label et faire passer le chèque en note de frais. Wesh mon frère, arrête de jouer les grands. Tu te prends pour un meurtrier alors que t'arrives même pas à tuer le temps. Gars, je voulais mettre les hurlements de ta meuf en outro, mais j'ai pas réussi à clearer le somme sans millésime. Je suis dégoûté comme quand j'ai A. Tu te prends pour Jay-Z, mais t'es H-O-V avec un I à la place du O. J'ai toujours pas le mi-père, faut pas te fâcher ma belle. N'aie pas peur s'il y a les contrôleurs, on leur montre comment t'as rasé ta schneck. J'suis un cheveu jaune, ouais. J'suis un cheveu jaune, ouais. M sur le front, M sur le front. J'suis un cheveu jaune, j'suis de retour Namek, ouais. Un caméa ou un grec dans ta schneck. Et ça fait brou brou brou, j'suis un cheveu jaune, Yo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je te refais le portrait, j'invite ta meuf au vernissage. J'ai mal aux oreilles à force d'entendre vos disques qui montent. Ta meuf t'appelle Usain Bolt, tu tiens pas plus que 10 secondes. Je m'endors avec Frank Tagas, je me fais pépon par Bulma en POV. Je fous la vidéo sur Instagram. Bon, je la laisse choisir le film, vu que je suis poli. C'est trop de balle, un cru de Pulitzer. C'était un danseur de logo B. T'as le boule rempli de résidus de trucs sales. Heureusement que l'arrêt du cul ne tue pas. Passe leur temps à jouer les durs. J'arriverai même pas à faire du développé couché avec mes burnes. J'suis un mercenaire. Bientôt j'pourrai jurer sur la vie de ma Mercedes. Wesh mon frère, j'achèterai pas la bagarre. Si t'as un corps t'as Rick Ross. J'baisse son jogging, j'cours. J'bosse le tout sur Wall Street Hip Hop. J'suis un cheveu jaune, j'suis un cheveu jaune. M sur le front, M sur le front. J'suis un cheveu jaune, j'suis de retour d'un mec. Un caméa ou un grec dans ta schneck zère. Écoute pas ce que je dis, c'est des conneries. J'suis un cheveu jaune. Et tu vois, au moment où je termine ce putain de freestyle, Paris est champion. On se canalise. Mais t'as raison, Paris est magique, Paris est champion, bien sûr Momo. Arrête de flipper Momo, t'es une flippette toi, franchement. Il reste 5 minutes, mais on est champion, frère. Il y a un partout, en fait. Il y a un partout entre Monaco et Guingamp. C'est pour ça que Paris sont joués. Même là, sur le match nul, Paris est champion. À moins que d'un seul coup, Monaco en mette un deuxième et il faudra assurer après face à Rennes. Mais bon. Juste histoire de dire que. Il y a de fortes chances que ce soir. Juste histoire de dire qu'on a le trône. Histoire de dire que le freestyle n'est pas terminé. Histoire de dire que j'arrivais en RER, putain de merde, et que j'écrivais un putain de texte et que je viens de finir d'écrire. Et Richie, tu vas m'envoyer une prod que je le rock. Je viens de le gratter tout de suite, donc voilà, je le connais. C'est du très très chaud. Ouais, envoie le four. Envoie le bail, Richie. Yo, check. Jay, écoute-moi bien négro, écoute-moi bien négro. Tu crois tout savoir, mais tu connais rien de ma vie négro. Transformer le plomb en or, devenir alchimiste. Je gratte des textes depuis des années, ils me prennent pour un arriviste. Quand je passe des journées noires, des terres sur ma ville. Pas de filtre Instagram pour éclaircir ma vie. Finalité, c'est se lever tôt le matin sur la côte. Protège ton épiderme ici, c'est chacun pour sa peau. Veulent que je tombe dans les peines de l'alcool ou les joies de la drogue. Que j'avance à reculons comme feu roi de la pop. C'est du travail et de la prière, pas de coïncidence. Si je vois une étoile filante, je ferais le vœu d'être une étoile filante. Tu sais rien sur moi, les soucis, les carences. Je pourrais faire un album juste en te parlant de mon enfance. Quand j'ai appris que ma tante est partie, ou quand le docteur a dit à mon père que c'est peut-être la dernière fois qu'il voyait son fils. Au tard de loyer, on s'en sort sans frémir. Le destin a voulu me brûler les ailes, mais putain, je suis un phénix. Qui fera ma réussite, qui rira de mon deuil. Je me persuade que ce ne sont pas des larmes, juste ça coincé dans mon œil. J'ai frôlé la mort, qu'est-ce que tu connais de ma vie? À 4 dans un F2 pendant 2 ans, qu'est-ce que tu connais de ma vie? Maman, n'aie pas peur, papa, t'inquiète pas. Je vais le faire pour ma famille, parce que j'ai Dieu avec moi. J'ai traversé des choses que tu voudrais pas entendre. Négro, maintenant tu comprends pourquoi tu peux pas me comprendre, yo. Sur ce putain dit d'hôpital, je n'avais pas peur. Je leur disais que quand je serai grand, je serai un rappeur. Je demande pardon d'avoir causé du tort en vain. Souvent je fais souffrir les miens. Et dans le fond, je sais même pas si je suis quelqu'un de bien. Pendant que mes envies me perdent. L'ange de gauche, je suis l'ange de droite. Putain de merde, j'ai jamais voulu être ambidextre. Veulent pas que j'avance, veulent que j'ai une jambe en bois. Mais bon, je fais comme Schumacher sous ma langue. Je garde mon sang-froid. J'aime voir vos visages aigris me haïr. Je fais confiance qu'à mes ennemis, c'est les seuls qui pourront pas me trahir. Je rate, j'écoute du rap, frère. Je rate les cours toute la semaine. Assez cool, je suis grave frais. Je m'en bats les couilles du rap game. Tous ces rappeurs aux souvenirs ironiques. CDA, ces journalistes, au sourire hypocrite. Pour l'instant, je suis un protégé quand ça passe. Mais si ça casse, m'oublieront, je retournerai sur les bancs de la fac. Entre souvenirs modestes et soucis mon tête, moi, je restais le même, toujours le sourire aux lèvres, yo. Souvenirs modestes et soucis mon tête, moi, je suis resté le même, toujours le sourire aux lèvres. Je veux que ma ville soit fière de nous. Un temps d'avance, moi, je démarre au tiers de tout. C'est pour mon staff et mes négros. Mon staff et mes négros. Pour mes proches, mes fans aussi. Dis-leur que je suis pas un rappeur, je suis Dinos Punchline Ovid. Yeah. C'est en live à l'instant, Dinos Punchline Ovid avec donc ce titre totalement inédit. Ouais. Titre qui a été écrit là il y a, là, il y a une heure. Il y a une heure, à peine. À peine. Bon, c'était une bonne soirée. C'est une bonne soirée. Bravo à Siana. Bravo à Siana. Merci. Et bravo à toi aussi Dinos. Merci. Gros live, je vois les réactions avec le hashtag Dinos sur Skyrock. Allez, avant de faire tourner la roulette, on a le temps de mettre un dernier son si tu veux. Allez hop, on l'avait promis. On le balance. On va changer encore. Ah, on change, ok. On va mettre. Bon, vu que Blastar il est là, on va mettre dans ma tête. Dans ma tête. Et bah c'est parti maintenant sur Skyrock. Dans ma tête, extrait du EP Apparence. Bandit cerné qui n'a plus rien à perdre. Personne n'a vraiment idée de ce qui se passe dans ma tête. Non, m'appelle pas Roya, je serai jamais ton frère. Au lieu de me parler rebeu, mets plus de frites dans mon grec. Je suis sincère, enfin c'est ce que tu croyais. J'ai dit que je kiffais ton son, t'as cru que c'était vrai. Je veux pas prendre de photos avec toi, viens pas me casser les pieds. Je veux gérer la boîte de ma meuf, mais faut pas le répéter. Non, je crois que tu n'aimes plus. J'aimerais tant que ça s'arrête. Je veux être psychologue pour savoir ce qui va pas dans ma tête. Je veux des Nike à volonté, passer mes nuits au grec. Avec des mille filles, des BBW aux grosses fesses. Mais ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Mais ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Mais ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Tu sais quoi, Renoir? Ma maison 10 m'a jamais bloqué. Je voulais juste pas poser avec toi. Pourquoi la caissière prend ma canette par le haut? C'est immonde. Arrête de courir après le bus, je suis pressé, je veux pas que tu montes. Non, les noirs disent jamais non, c'est abusé. Je t'ai proposé un bout de mon grec car je croyais que t'allais refuser. Je suis pas ton pote, non, je sais pas ce que t'as cru. Si je traîne avec toi, c'est seulement parce que t'as une voiture. Ce qui va pas dans ma tête, je veux des Nike à volonté, passer mes nuits au grec avec des mille fées, des pires divers, des nuits aux grosses fêtes. Mais ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, mais ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête. Je crois que je suis devenu fou. J'aimerais tant que ça s'arrête. Je veux des Nike à volonté. Mais qu'est-ce qui se passe, Calisto Momo? Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Hey, je crois que je suis un enfoiré, mais franchement ça me plaît. Je pense pas que t'aimerais vraiment savoir tout ce qui se passe dans ma tête. Je rêve d'épouser Janet car elle vit de viande et d'eau fraîche. Et de lui mettre la crème chantilly sur les lèvres. Hey. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, mais ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête, ça se passe que dans ma tête. On y est presque. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. Ça se passe que dans ma tête. C'est Skyrock et c'est Planète Rap de Dinos Punchlinovic avec nous et ce morceau Dans ma tête que vous retrouvez sur le EP Apparence. Merci. Attends, pour cette soirée. Je crois qu'il y a une tension là dans la salle, frère. Pourquoi? On a quelques secondes de. Ah, de Paris Champion? Ah, il y a une tension dans la salle là, frère. Mais ça y est, c'est fait, il y a que Momo qui flippe là. Vous n'avez quand même pas flippé, même si Monaco met un deuxième but, on va gagner face à bon, Rennes. C'est bon. Allez, Paris, c'est bon, champion. Ça y est, c'est fait. Paris est champion, tout va bien, Momo. Tu peux, bravo. Hop. Tu peux te relaxer. Partout, ouais. Paris est champion puisqu'il y a eu un partout face entre Monaco et Guingamp et qu'il fallait un match nul. Oumar, il doit s'enjailler fort. Mais il faut que ce soit beau quand même ce soir. PSG face à Rennes, on suivra ça à partir de dans quelques minutes avec Difool et la Radio Libre. Ouais. Merci Dinos, merci Siana, merci Blastar, merci à Richie. Il n'y avait pas de Skyrock ce soir. Si, on l'a fait tourner tout de suite. Skyrock t'offre le spectacle de Nawel Madani dans toute la France. Avec Nassira de Vénitieux, ça va bien Nassira? Salut. Bienvenue. Ouais, Nassira, bien ou quoi? En pleine forme? Ouais, ça va, super. Tu es prête à faire tourner Nassira? Ouais. Tu penses que tu vas gagner Nassira? Bien sûr, Nawel. Bah ouais, Nawel, la collègue de Dinos, puisqu'elle est signée chez Def Jam Comedy. Et ça va s'arrêter pour toi, Nassira, sur la case. Et ben voilà, sur la case Nawel. Ah bah, deux places, Nassira. Deux places, elle repart en tournée. Tu vas y aller avec qui? Tu vas y aller avec qui? Avec mon mari et voilà. Ma petite soeur et ton petit frère. Et voilà. Et bah c'est pour toi, il y a les places pour aller voir. Une petite dédicace. Nawel à Lyon qui repart en tournée avec Skyrock le 21, ouais, à partir du 21 mai. Vas-y, on t'écoute pour la dédicace. Mes enfants, Maïsan, Reda, Mehdi, à toutes mes sœurs, les Emma, la famille arabe, les Bray, et voilà, toutes mes nièces. Et voilà. Et bah bisous Nassira, passe une belle soirée. Voilà. Allez, bisous. Merci. Bisous, Nassira. Une fois de plus, merci à vous tous. Dinos, Siana, si vous voulez passer une dédicace. Moi, c'est pas fini, Fred. Hein. Quoi? Là, je vais réaliser mon rêve, mon plus grand rêve. C'est quoi? Je vais faire un bisou à la Marie. Ah, bah. Ah, frère, je suis dedans. On finit juste une dédicace, tu fais le bisou après. Vas-y, Siana, on t'écoute pour la dédicace. Ouais, je veux dédicacer déjà mes producteurs, Sandrine, tous ceux qui m'aident, tous ceux qui me soutiennent dans la France et surtout dans, dans mon département, le 60, Bouna, Yacine, Sania, tout le monde, Hafid. Je vous dédicace tous, je peux pas dire tout le monde, vous savez déjà, mais big up, merci beaucoup. Et bah, surtout bonne chance à toi pour la suite, en tout cas, Siana, et merci d'être passé ce soir. Merci à vous. Dinos, je te laisse faire un bisou à Marie ou à qui tu veux. Ah, mais j'y vais, okay. J'y vais. À Marie, j'arrive. Ah, tu veux faire un vrai bisou à Marie, j'arrive. Ah ouais, mais je sais pas si je vais accepter. Hein. J'arrive, je vais accepter. Ouais, Marie, tu sais, Dinos, genre, la relou. C'est une menace, c'est une menace. Dinos, tu lui fais peur depuis que t'as dit que tu te touchais ouais, quand déjà. L'émission. Ah bah ouais, j'ai compris. J'ai compris dinosaure. Marie, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, Marie. Ouais, genre. Non, moi j'avais des posters et dans ma chambre. Ouais, ça, non, mais je veux pas savoir plus. Non, mais merci. Ça m'inspirait quand les posters ils sont tachés. C'est non, charmant. Je m'appelle pas Romano, tu sais. Dinos, merci à toi. En tout cas, demain soir, le retour, même le 8 mai, Planète Rap, pas loupé. Hein, ouais, ah, ouais, on sera là, on sera là en direct. Ouais. Vendredi aussi. Et vendredi aussi. Dinos Punchlanovic sur Skyrock. Et ah, ouais. Fredo à retrouver dans Planète Rap. Oui. On est content, on est les champions. On est les champions. Ah, et Karim, doit avoir le seum. Karim qui est très content. Ça va, Samy? Ah, mais les gars, mais il y a que des footiques, ça arrêtez. Ah, j'ai des frissons de honte. On est les champions. Samy, sois pas dégoûté, mec. Non, je suis pas dégoûté. Mais arrêtez de faire semblant d'être content, les gars. C'est pété, vous êtes champions. Ça fait un an que vous le savez. Vous allez. On est les champions. Il va nous casser les couilles. Robert, arrête-toi. Robert. Merci allez, à Yacine Robert. Pour son message à Momo de la Gare qui dit quand même allez l'OM et non, joue pas, nous. Sinon Paris champion pour Kylian, les messages arrivent déjà. Bah vous faites péter tout ça. C'est parti. Allez, c'est parti pour la Radio Libre aussi. Demain soir, Planète Rap juste avant 20h, ça démarre. Radio Libre, ça démarre dans un instant. Au 01 53 40 30 20, vous nous appelez sur SMS, sur le net, vous faites péter les réseaux sociaux aussi. J'ai une petite surprise pour vous dans un instant. Ah, bougez pas. Eh oui, Fredo. Je reste. Ouais, bah, j'espère bien tu restes. À tout de suite. À toutes.